Suite de l'analyse de situation numéro 1 du 4 juillet 2020 par Thierry Pirlo, Sherpa One. Hollywood nous y a préparé. Et le plus interpellant, c'est que par le biais de l'industrie cinématographique hollywoodienne, c'est le Deep State lui-même qui nous y préparait. D'une part parce qu'ils ne se cachent plus et qu'ils adorent avertir le bas-peuple de leurs intentions en recourant aux signes distillés dans un grand nombre de films. Et d'autre part, car ils n'ont jamais imaginé perdre la partie en 2018. Un bon exemple en est la cérémonie d'inauguration du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard en Suisse. Celle-ci n'a pas manqué de provoquer un gros malaise au sein du public. Pour vous rendre compte qu'ils ne se cachent même plus pour organiser une cérémonie satanique devant un parterre de représentants de ce monde, je vous invite à taper « Cérémonie du Gothard » sur YouTube. La bonne nouvelle, c'est que si ces élites sont convaincues de l'existence de Satan, cela implique que Dieu existe également. Et si tel est le cas, il est derrière l'Alliance et derrière Donald J. Trump. Les membres intermédiaires de cette pyramide sont des idiots utiles, même s'ils sont très riches et membres de loges secrètes et ou francs-maçons, tendance satanique, beaucoup n'en comprennent pas la vraie substance car ils n'atteindront jamais que des niveaux subalternes. Ils sont pour la plupart redevables de leur fortune. Ils ne sont que des vassaux, souvent obligés de participer à ces rites sombres, devenant malgré eux victimes de chantage comme actes sexuels, meurtres, tortures. Et ils ont été immortalisés en vidéo. C'est sur cette base que repose l'affaire Jeffrey Epstein. Avec le concours du Mossad, dont il était un agent, ce dernier disposait de quoi faire chanter les cohortes de figures majeures de la finance, de la noblesse, de la haute magistrature, et jusqu'à des présidents et autres politiciens connus dans le monde entier, sans oublier les membres de certaines familles royales et naturellement des quantités de stars du show business. Et de ce fait, toutes ces personnalités deviennent complices. Tout ce beau monde est prisonnier entre les mains de l'État profond et n'a d'autre choix que d'obéir ensuite aux ordres, sous peine d'assister à la destruction ou de leur carrière, de leur famille, voire de perdre la vie. Tous ces gens ont littéralement signé un pacte avec le diable. Dans le monde du renseignement, on nomme ces gens des « compromates ». Depuis l'arrestation de Ghislaine Maxwell, ex-compagne d'Epstein et véritable cerveau de cette opération, Trump a récupéré les cartes maîtresses de toute cette engeance manipulée et sous contrôle du Deep State. Suite aux centaines d'arrestations ordonnées ces derniers mois par Trump, via des plis judiciaires scellés à l'avance, beaucoup se sont mis à table pour négocier et de violentes révélations se feront jour dans les prochains mois. Pour les affronter, il s'agira de se préparer psychologiquement, tant elles auront une lourde incidence sur chaque pays et sur chaque citoyen du monde. De là, l'importance de réveiller les gens en douceur. Car pour les dormeurs, le réveil sera difficile. On apprendra ainsi aux USA l'inculpation pour pédophilie aggravée de Hillary Clinton, qui entraînera dans sa chute son mari Bill, impliqué lui aussi dans l'affaire du Pizzagate, réseau pédophile de New York. Il sera question de leur fondation, utilisée comme couverture pour des trafics pédocriminels en lien avec l'Afrique. D'où les portes-containers Evergreen qui ne servaient pas qu'au transport de marchandises. Ainsi que de hautes trahisons envers Trump dans l'affaire d'espionnage impliquant la Russie. On saura pourquoi le roi Juan Carlos s'est exilé dernièrement dans les Émirats Arabes Unis ou ce qui se passe actuellement sous la couronne d'Angleterre avec des rumeurs d'exil de la reine. Et pourquoi l'antipape François n'est désormais plus le vicaire du Christ, laissant in situ son siège papal vacant au sein de l'église pédophile catholique et assigné à résidence. Voir les lettres de Mgr Carlo Maria Vigano à Donald Trump. Nous apprendrons d'ailleurs la vérité sur l'après-Vatican II et sur la trahison de l'église. Pourquoi Benoît XVI a-t-il démissionné ? En mai 2020, le pape François devait annoncer l'instauration du nouvel ordre mondial et d'une nouvelle religion qui réunirait toutes les croyances. Cela a été repoussé en octobre, mais à l'heure qu'il est, je pense que François terminera plutôt ses jours en prison. On connaîtra encore la vérité sur le prince Andrew, qui fréquentait assidûment Epstein et son île, et ses très jeunes invités, en compagnie de nombreuses personnalités françaises. Andrew, qui est mort de peur dans sa retraite écossaise et tente un deal avec Trump sans grand succès. On saura pourquoi Tom Hanks, pédophile notoire, a demandé la nationalité grecque. Pourquoi de nombreux milliardaires se sont enfuis des États-Unis après avoir liquidé leurs affaires, confrontés aux investigations menées par les agences de Trump. On connaîtra aussi la vérité sur les penchants pervers de Steven Spielberg ou Robert De Niro et de tant d'autres qui ont bercé notre jeunesse d'illusions cinématographiques. Sur Bill Gates, bien plus pédophile que philanthrope, qui aura sans doute à répondre de crimes contre l'humanité pour ses expériences vaccinales en Afrique du Sud, au Kenya et en Inde. On reconnaîtra un jour les vrais héros tels Mel Gibson ou Jim Cazaviel et beaucoup d'autres acteurs et producteurs qui se sont battus avec détermination contre le système pédophile hollywoodien. Et n'oublions pas que d'autres l'ont payé de leur vie, comme l'acteur Isaac Capi. Combien de suicides ou d'accidents maquillés? Eh bien, beaucoup. On apprendra peut-être enfin les vérités cachées sous la disparition de stars de la musique, toutes décédées à 27 ans, et formant ainsi le Club 27 Forever, qui pour certaines se sont battues contre la pédocriminalité, contre les manipulations de programmation mentale MK Ultra et Monarch, comme Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix et tant d'autres. La vérité aussi sur Michael Jackson, faussement accusé de pédophilie et sacrifié par les élites avec l'objectif de détourner l'attention. On connaîtra la vérité effroyable sur les disparitions de millions d'enfants de par le monde et surtout du tiers-monde. Nous apprendrons l'existence de fermes d'élevage d'enfants en Afrique, notamment au Nigeria, nées sans identité et donc sans existence officielle. De femmes africaines violées et engrossées des dizaines de fois pour approvisionner un trafic incessant d'enfants et de jeunes prostituées vers l'Europe et les USA. Nous apprendrons aussi la vérité sur le trafic mondial ukrainien, la vérité sur les Ouïghours en Chine et sur le trafic d'organes international dont ils font l'objet et de tout ce qu'on ignore encore, comme pour les adeptes du mouvement religieux Falun Gong. Bien des gens vont payer très cher, du rabatteur lambda au puissant chef de réseau jusqu'au prédateur sexuel et satanique de la très haute société bourgeoise, royale et politique de nos gouvernants. Il faut se préparer à ces révélations, car elles n'épargneront personne. Mais souvenez-vous que la guerre est gagnée, même si nous devons traverser quelques mois ou quelques années de ténèbres. C'est pour cette raison que Trump ne cesse de dire qu'il est en train de nettoyer le marais, en ajoutant que c'est très dur, vraiment très difficile. C'est vrai que la réalité est dure à accepter. Et je m'y suis collée, j'ai cherché le terrier du lapin blanc et je l'ai malheureusement trouvé. J'ai découvert ce que l'homme est capable de faire subir à son prochain, le pire étant le sort réservé à des enfants. Je n'en ai pas dormi durant des jours, mais je suis née une deuxième fois, car tous les humains devraient connaître la vérité et surtout ne plus faire comme si elle n'existait pas. Nous vivons dans cette réalité, elle nous entoure, car elle ne se trouve pas de l'autre côté de la planète uniquement. En effet, de grands réseaux continuent de prospérer chez nous, en Belgique et en France surtout. Il nous faut accepter cette réalité, la digérer et ensuite la faire connaître, car l'ignorance fait de nous des complices silencieux de ce génocide. Et nos vies formatées et bien remplies ne peuvent plus servir d'excuse pour cette ignorance, pour nos yeux occultés d'hier et nos oreilles bouchées. Il est vrai que nous n'y pouvons pas grand-chose, mais nous sommes au minimum capables d'aider au combat en évitant que cette ignoble réalité devienne une normalité de l'être humain. Les monstres ne représentent que 1% de la population et nous sommes la masse. Et nous devons nous dresser devant la bête tous ensemble. Nous devons partager inlassablement toutes ces infos pour les enfants du monde, pour tous les enfants, pour nos enfants. En Europe, avec ce virus de guerre, nous sommes donc les victimes collatérales de cette bataille épique qui pourrait nous coûter nos libertés les plus chères. Toutes les mesures incompréhensibles qui en découlent sont dictées par ce Deep State partout dans le monde, grâce à nos politiciens corrompus ou placés sous la menace d'un chantage ou encore par simple cupidité, la Belgique n'y échappe pas. Chez nous, Mark Van Ranst est l'archétype du pion du Deep State qui dicte les règles sanitaires de tout un pays à un fusible nommé Sophie Wilmès qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et encore moins à ce qui lui arrivera plus tard. Ce virus est moins dangereux que prévu à la base et leur job est de continuer à nous faire croire le contraire. Certains disent même qu'il ne s'agit pas d'un virus mais d'un parasite biosynthétique. Il faut donc impérativement se méfier de notre gouvernement, même si tous les membres ne sont pas tous corrompus et n'ont aucune latitude de choix dans leur façon de gouverner. Il faut se méfier de ce qui pourrait arriver entre septembre et le 4 novembre 2020, jour où Trump sonnera la fin de la récréation, la fin de cet état profond totalitaire et donc la fin de cette mascarade sanitaire. en espérant qu'il ne soit pas lui-même victime d'un assassinat avant d'y arriver. Il faut se méfier aussi de ce qu'ils vont décider d'imposer à nos gosses à la rentrée, ce qui me semble le plus important en ce qui nous concerne. Tous les parents devraient rencontrer la direction des écoles et imposer leur point de vue sur l'interdiction formelle et absolue de toucher leurs enfants sous réserve de poursuites judiciaires. L'interdiction de laisser des brigades sanitaires débarquer et procéder à des tests Covid ou pire, à la vaccination sans l'accord parental, directive sanitaire de Bruxelles ou pas. Il en va de l'intégrité physique et de la santé de nos enfants et petits-enfants. Il faut se méfier de ce qui est mis en place en Nouvelle-Zélande, en Allemagne et en Angleterre, et pire encore au Québec, s'agissant de la possibilité pour les autorités de sortir un enfant Covid de sa famille, de force si nécessaire, pour le placer en centre sanitaire en quarantaine de 14 jours, au motif que ce dernier ne puisse contaminer la cellule familiale. Je n'exagère pas, nous pourrions bien l'apprendre en dernière minute dans notre petit pays. Imaginez votre enfant de 7 ans coincé 14 jours durant avec des étrangers, soi-disant pour la sécurité. On ne parle pas ici de tests de type QT ou de visites médicales annuelles inscrites dans le journal de classe. Se méfier d'un arrêté royal voté pour raisons sanitaires avant le 4 novembre, imposant la vaccination obligatoire pour tous, car ce vaccin n'aura rien à voir avec ce que vous connaissez ou croyez connaître. Ni même rien à voir avec le vaccin russe Sputnik, qui n'est qu'un vaccin atténué du rhume, Poutine ne cherchant pas davantage un vaccin que Trump. Il joue simplement la montre. Son vaccin, tablant sur la théorie de la contamination croisée, donnerait une immunité au Covid grâce au virus du rhume, sans aucun danger. C'est pour cette raison que sa fille a joué les cobayes et que Poutine s'en est vanté publiquement. Le vaccin russe est sans danger, contrairement aux vaccins occidentaux en préparation, sinon déjà prêts. Les pires étant ceux de Pfizer, Moderna et AstraZeneca. En effet, tout comme Trump, Poutine ne croit pas en un vaccin corona, car comme Didier Raoult le dit, s'il était possible de faire un vaccin contre les coronavirus respiratoires, cela se saurait. Or, Raoult est le virologue numéro 1 mondial et l'inventeur-découvreur d'une dizaine de virus, dont le cytomégalovirus, que tout le monde pensait être une bactérie. Poutine fait donc monter la pression sur le Deep State et sur les médias en les prenant à leur propre jeu, lequel consiste à dire qu'il est trop tôt et donc que ce n'est pas sérieux. Cela ne manquera pas de ressortir dès que le premier vaccin occidental sera prêt en octobre ou en novembre. En effet, il s'agit d'une course contre la montre en faveur des intérêts de Big Pharma, mais également une question de vie ou de mort pour le Deep State qui entend vous vacciner avant le 4 novembre, car les nanoparticules étant leur seul moyen de nous soumettre tous via la 5G qui rendrait possible une connexion des humains au cloud de l'intelligence artificielle. Des rumeurs circulent également quant à la possibilité d'un génocide des personnes âgées et des plus faibles grâce à ces thérapies géniques. Mais bien entendu, ceci est du complotisme. Il faut se méfier du retrait de nos libertés les unes après les autres, mouvement qui risque de s'accélérer dès septembre avec une mise en place de mesures coercitives via des reconfinements successifs. Se méfier aussi d'un sursaut du Deep State concernant d'éventuelles attaques sous faux drapeau afin de déstabiliser nos pays dans un geste désespéré, par exemple des attentats terroristes sous faux drapeau dans nos villes. Se méfier fondamentalement des médias mainstream à 99% aux ordres du DS. Les seuls médias honnêtes sont France Soir et Sud Radio en France avec André Bercoff. En Belgique, je n'en connais aucun, hormis sur YouTube. Aux USA, seules 3 chaînes TV soutiennent Donald Trump, dont Fox News, mais seulement une fois sur 5. Le reste, soit plus d'une centaine de médias, travaillent pour l'État profond et les démocrates. D'où la vision tronquée que beaucoup ont du personnage ici en Europe. Se méfier aussi des arrêtés royaux, votés les uns après les autres à notre insu cet été, dont certains risquent bel et bien de faire basculer la Belgique en dictature, même si elle n'est que sanitaire pour le moment. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en France avec la loi Avia, votée le 24 juin 2020, visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Objectif, la censure, qui en Belgique est déjà activée sans aucune loi. Facebook et YouTube censurent à mort les posts et vidéos. Rien que sur mon mur, plus d'une centaine de vidéos ont disparu au cours de ces 6 derniers mois. Voir la dernière loi française de bioéthique votée en pleine nuit et qui n'a rien de bio ni d'éthique, autorisant l'avortement au terme des 9 mois de grossesse. Il s'agit donc purement et simplement de l'assassinat d'un bébé en pleine santé pour détresse psychologique de la mère, critère invérifiable s'il en est. Tout ceci dans la lignée des lois LGBT et de l'eugénisme prônées par Bill Gates et ouvrant la porte à un véritable génocide de nouveau-nés, au trafic d'organes et aux disparitions de bébés injectés dans les réseaux pédocriminels et à l'encontre desquels Donald Trump met toute son énergie afin de les détruire. Son épouse Melania et sa fille Ivanka participent à cette mission. La marchandisation de l'être humain est le but ultime, un être humain que l'on peut acheter de la naissance à la mort et même en pièces détachées comme pour une vulgaire bagnole. Voir les écrits et les prédictions de Klaus Schwab, initiateur du WEF, World Economic Forum de Davos. Raison de plus pour ne pas les laisser faire, pour ne plus se cantonner au rôle de spectateur impuissant. Vous pouvez vérifier sur Internet pour cette loi bioéthique qui un jour arrivera chez nous si elle ne rencontre aucune résistance en France d'ici janvier 2021. Non, ce n'est pas une blague, mais comme on dit, qui ne dit mot consent. C'est la triste réalité de notre monde dans lequel on nous a habitués à voir uniquement ce que l'on est autorisé à voir, à comprendre ce qu'on est autorisé à comprendre, à suivre comme des moutons le berger assigné, en somme, obéir à de vrais psychopathes. Vivre dans le confort de la négation, où notre bonté d'âme et notre capacité d'aimer nous interdisent de croire dans cette folle histoire que je termine. Notre résilience est inversement proportionnelle à notre niveau de dissonance cognitive. De mon côté, j'ai dépassé ce cap depuis très longtemps et je comprends désormais plus facilement énormément de choses. Je n'impose à personne de suivre le même chemin que moi, mais nous sommes à présent dans une situation d'urgence qui nous impose de nous réveiller, quitte à repartir en hibernation une fois tout ce cauchemar terminé. Celui qui ne se rend toujours compte de rien est un cas vraiment désespéré. Les autres sont des éveillés. Mais bon, il est vrai qu'on travaille 8 heures par jour, on ne vit même plus que pour cette raison, et cela nous empêche de voir la forêt cachée par l'arbre. Ceci n'est qu'un bref condensé de mes recherches, et il faudrait au minimum une bonne dizaine d'heures pour en faire le tour dans le détail. Alors, vérité ou délire paranoïaque ? Ce n'est pas le plus important, je vous l'assure. Le plus important est que si vous avez le moindre doute, ou que si depuis février, mars, quelque chose résonne en vous comme pour dire que tout ceci n'est pas normal, eh bien, vous n'avez pas l'excuse pour rester dans l'interrogation, le déni ou l'attente. Avec Internet à portée de souris, vous avez tout sous les yeux pour le vérifier, une fois, deux fois, trois fois si cela vous chante, mais il faut le vouloir. En 1939, personne ne voulait croire que les Allemands allaient revenir. Malheureusement, une des frontières franchies par leurs troupes et il était trop tard pour réagir. Et il n'y a jamais eu autant de monde dans les églises. En 1945, la grande majorité du peuple allemand prétendait tout ignorer des camps de concentration, même les habitants des villages voisins, alors qu'ils savaient. Mais ils s'autorisaient à l'ignorer, car ça ne les concernait pas personnellement. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses pour ignorer quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit plus haut, le plus important est que l'histoire se termine bien. Elle se terminera bien, mais pas tout de suite, pas avant minimum fin de l'année 2020 et peut-être même bien plus tard, avec un passage au purgatoire durant encore quelques années de tribulation. Nous vivons actuellement la période de l'histoire sans doute la plus importante de l'humanité et nous sommes toujours là pour vivre la fin de cette histoire, pas la fin du monde mais la fin d'un monde. La fin d'un monde décrit dans l'Apocalypse de Jean, dans le Coran que j'ai lu en partie et de la Torah que j'ai survolé. Apocalypse, qui ne signifie pas la destruction, mais le dévoilement des révélations. Les trois livres sacrés annoncent la même chose, et nous sommes à la fin de l'histoire pour en démarrer une autre, bien plus fantastique, qui nous conduira vers l'âge d'or. À nous de faire en sorte que cette histoire se termine bien, car l'obscurité et la lumière sont actuellement en conflit, et notre rôle d'éveil et d'information n'a jamais été aussi important. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans cette troisième guerre mondiale, une guerre non conventionnelle, une guerre de l'information. Que les choses soient claires, Donald Trump n'est pas notre sauveur, il n'est que le couteau suisse de l'Alliance. Il sauvera les USA, et cela aura des répercussions inimaginables sur la Belgique et l'Europe, mais il ne peut détruire une dictature chez lui pour en imposer une autre chez nous. Peuples sont souverains et seuls guides de leur destinée, et il est très possible que nous devions nous prendre en main pour nettoyer notre pays une fois que le terrain sera préparé par les USA début 2021. La guerre de l'information est en marche et elle se joue sur les réseaux sociaux car vos médias vous disent juste ce que vous avez besoin et surtout le droit de savoir. Chaque éveillé partage avec les autres, discute avec des collègues ou des amis, la famille propage ainsi le réveil. Il est évidemment plus facile d'attendre tranquille, histoire de voir, de se dire que d'autres s'en occupent à notre place. Mais notre santé est en jeu. Les manifestations de Berlin, du Québec, de Madrid et aussi de Bruxelles, même si timides, prouvent que cela bouge contre le retrait de nos libertés. Les gens se réveillent, alors ne soyez pas en retard avec l'histoire. De nombreux médecins créent des groupes partout dans le monde, même en Belgique, depuis peu, pour crier leur colère et leur incompréhension face aux décisions sanitaires, à l'interdiction des traitements à la chloroquine ou d'autres traitements qui émergent en ce moment. Nous disposons d'un cerveau doué pour la réflexion et d'une partie reptilienne qui doit nous alerter lorsque le danger est imminent. Partager l'info est le plus important à cette heure. Et si vous avez peur de passer pour un gogo de complotiste, terme très à la mode pour discriminer tout ce qui n'est pas dans la ligne droite de la pensée unique, renseignez-vous, informez-vous et battez-vous alors pour vos enfants, pour vos amis et votre famille, tant qu'il en est encore temps. Moi, j'ai choisi mon camp. Et n'ayant plus aucune confiance dans le monde médical tel qu'il se comporte de nos jours, j'anticipe même une récidive de ce virus par mutation pour le prochain hiver. J'anticipe donc ma survie puisque mon médecin traitant me dit qu'aucune pharmacie ne me procurera de l'hydroxychloroquine, même s'il me l'a prescrit, alors qu'en temps normal, refuser un soin est interdit. J'ai dès lors demandé à mon fils de me ramener de l'hydroxychloroquine antivirale et de l'azithromycine antibiotique du Portugal, pays qui compte très peu de morts et dont on ne soigne avec le traitement préconisé par le professeur Rao, aucune prescription n'étant nécessaire. Étrange, n'est-ce pas? Il vaut mieux pourtant prévenir que guérir. Et si vous vous demandez si j'ai vraiment perdu la raison, si la pension me pèse au point de disjoncter complètement, rassurez-vous, tout va bien. Mais il m'est impossible de rester sans comprendre les choses. J'ai besoin de savoir pour anticiper ce qui arrive et j'ai besoin de le partager avec ceux qui me sont chers, même si cela les contrarie, car ils n'ont peut-être pas conscience de la réalité que nous vivons. Et pour ce faire, je dispose de ce qui vous manque le plus, le temps. Et le fait de savoir détruit les peurs. A contrario, subir sans savoir est bien plus effrayant. Et nombreux sont les gens masqués et tétanisés par ce Covid qui, nous le comprendrons bientôt, ne justifie absolument pas ces mesures liberticides. Il est de mon droit de vous avertir et c'est votre droit de ne pas me lire et encore moins de me croire. Mais bon, si vous vous êtes accroché jusqu'ici sans vous ouvrir les veines, terminé, c'est bientôt fini. Je suis donc désolée si je vous embête avec tous mes mails, toutes mes vidéos et tous mes commentaires. Mais rassurez-vous, famille, je ne suis ni dans une secte, ni dans le déni. Je suis tout simplement éveillée et en état d'alerte. Probablement la fameuse déformation professionnelle du militaire de carrière. Je suis un éveilleur et non un lanceur d'alerte qui est un boulot à plein temps que je laisse aux professionnels sur YouTube. Comme Alexis Cossette de Radio-Québec, qui voit la situation actuelle se réaliser depuis 5 ans. Comme Sylvain Autretat, qui source toutes ses infos sur le Covid et qui voit très clair depuis 7 mois. Ou encore comme les décodeurs, qui traduisent régulièrement les interventions de Donald Trump et décodent de façon pertinente l'actualité américaine au travers des posts de Q à l'adresse de la communauté mondiale des Anon. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une bataille contre un virus, mais d'une guerre mondiale asymétrique et bien plus perverse que les précédentes, plus insidieuses. Car leur but est de faire basculer l'Europe et le monde entier dans un système de dictature 2.0 d'obédience socialo-communiste marxiste. Notre ennemi est à l'intérieur et il a une fascination morbide pour le modèle chinois et son système de contrôle via le crédit social. Pourquoi anticiper et ne pas lâcher prise? En un, parce qu'à force d'anticiper les choses et en les comprenant, je dispose donc à l'heure actuelle de traitements d'hydroxychloroquine et d'azithromycine en suffisance, des médicaments actuellement interdits chez nous. Je les garde à disposition de toute la famille au cas où cela s'avère nécessaire afin de débuter dès les premiers symptômes. En deux, en anticipant, je pourrais éviter à mon fils une quarantaine non rémunérée de 15 jours au boulot à son retour du Portugal, en lui interdisant de renvoyer ce fameux document Covid, parfaitement anticonstitutionnel, il faut le savoir. Un document que nous sommes censés renvoyer à la Gestapo de Bruxelles, qui se fait un plaisir de jouer les délateurs vers le Luxembourg. En trois, toujours par anticipation, si vous réalisez tout sérieusement l'importance de refuser à tout prix, même s'il devenait obligatoire, ces prétendus vaccins préconisés par le docteur Bill Gates, le but de la manœuvre sera alors pour moi atteint. Les produits de Moderna et de Pfizer en particulier, qui affecteront votre génome en modifiant votre ADN et qui seront probablement chargés de nanoparticules. Je ne développerai pas ici dans le détail le lien de ces produits avec la 5G, mais il existe bel et bien. Pour le lanceur d'alerte anglais David Icke, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Une interface existera bel et bien entre les produits et les fréquences 5G pour nous génocider ou du moins pour contrôler les plus forts d'entre nous. Et c'est bien le problème. Car comme le disait Antoine Béchamp, le microbe n'est rien, mais le terrain est tout. Et ce terrain, ils vont vous le préparer pour le pire avec le vaccin, comme ils nous le préparent depuis des années avec la malbouffe industrielle et les chemtrails incessants qui strient notre ciel depuis des années. Et détruire en substance votre immunité naturelle, la mettre au ras des pissenlits, que vous pourriez bel et bien manger prochainement par la racine en acceptant ces picouses. La 5G sera prochainement le détonateur. Le rapport entre les fréquences de 60 Hz et des nanoparticules injectées par le biais du vaccin est réaliste et de nombreux articles sérieux le démontrent. Donald Trump a d'ailleurs stoppé net le développement de la 5G aux États-Unis en mettant Huawei à la porte du pays. Et ceci sans parler des substances provoquant la stérilité qui risquent bel et bien de se retrouver dans les produits vaccinaux, ruinant potentiellement le futur de vos enfants s'ils désirent un jour être parents à leur tour. N'oubliez jamais que pour cette secte mondialiste, nous ne sommes que du bétail et qu'ils sont déterminés à réduire drastiquement le troupeau. Gravé sur les Georgia Guidestones à Elbert County en Georgie aux USA, un texte annonce un maximum de 500 millions d'humains autorisés à vivre sur notre bonne vieille terre. Je ne pense pas qu'ils seront un jour capables d'y arriver, mais le plus important est de comprendre qu'ils s'en donnent les moyens. N'oubliez pas non plus que Q nous demande de faire confiance au plan, nous assurant que la fin des mondialistes est proche. Il nous dit aussi qu'absolument rien ne peut stopper ce qui arrive. Il nous met également en garde. Tout sera déployé pour nous faire douter et il nous avertit contre les faux prophètes. Merci de m'avoir lu. Bon réveil à tous et à toutes. Ou bon dodo, car cela restera toujours un choix, le choix qu'il vous revient de faire. Thierry, le complologue, dit Sharpawan.